Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière édition du journal Parlons langue française de ce vendredi 16 novembre, dont voici d'abord les grands titres. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, a donné un délai de 3 mois aux exploitants des minerais pour se conformer à la loi et des sanctions sévères sont envisagées pour quiconque l'outrepassera. Vous entendrez dans ce journal Jean-Claude Carégua, le porte-parole du président de la République. Et au sommaire également, 10 premiers élèves au concours national édition 2018 ont été primés chacun d'un ordinateur portable par le ministère de l'Éducation ce vendredi. Et le ministre de l'Éducation, Jean-Jean Dilahisha, lui a recommandé de ne pas se laisser distraire et aller toujours de l'avant dans leurs études suivantes. Et la police a appréhendé 4 adolescents qui distribuaient des billets de 1000 francs burundais à tout élève dans la salle de classe du lycée municipal Gikungu à mairie de Bujumbura. Et les autres billets ont été également largués dans la cour de cet établissement. Les parents des élèves de cette école s'en inquiètent et la police confirme ce fait et d'y avoir commencé ses propres investigations. Et dans les provinces, la commune Rumonge de la province Cibitoki fait face à une pénurie d'eau il y a de cela une semaine. Les habitants de cette commune craignent les maladies démentielles. Vous l'entendrez également dans ce journal. Le journal est mis en ondes par Albert Ndouayo, Richard Kubgadgrechu à la présentation et à tout de suite avec les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, 4 jeunes sont dans les mains de la police au cachot de la zone urbaine de Gihosha depuis ce jeudi. Ils sont accusés d'avoir perturbé l'ordre au lycée municipal Gikungu en s'introduisant dans les salles de classe pour distribuer de l'argent aux élèves au moment des cours. Et même quand ils sont sortis, ils éparpillaient cet argent dans la cour. Les élèves se les ont suivis en masse sans plus se soucier des apprentissages en classe. Et la directrice de l'école, Anosia Tendaïziguié, se dit dépassée. Et le président du comité des parents au lycée municipal Gikungu se montre de son côté inquiet, surtout par rapport à la raison qui aurait poussé ces jeunes à s'introduire avec des billets d'argent qu'ils éparpillaient sans savoir précisément à qui donner. Edmond Mouniou ici appelle les autorités habilitées à suivre de près cette situation pour qu'elle ne se produise pas ailleurs dans d'autres établissements. Le porte-parole de la police confirme l'information et Pierre Mouriquier dit que l'on est en train de mener des enquêtes, mais pour lui, il n'y a rien d'alarmant qui se serait caché derrière cet incident. Le président de la République a tenu une réunion ce vendredi à l'endroit des exploitants des minerais au Burundi, à la commune Itawa de la province Gitega. Le président Pierre Nkurunziza a donné un délai de 3 mois à ces exploitants pour se conformer à la loi. Des sanctions sévères sont prévues pour ceux qui se rendront coupables de la violation de la loi en cette matière. Suivez Jean-Claude Carégua, porte-parole du président de la République. Le chef de l'État a réuni les responsables et des structures qui interviennent dans les activités d'extraction, de transformation et de commercialisation des minerais. Cette réunion d'Itaba en province de Gitega fait suite à une réunion tenue récemment en province de Ngozi. 3 intervenants, à savoir le ministre ayant la gestion du secteur minier dans ses attributions, l'honorable Koman Irakiza, le gouverneur de la Banque centrale et le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité ont pris la parole avant le chef de l'État. Et ces hauts responsables ont convergé sur le respect de la réglementation en vigueur. Le président de la République a quant à lui fait savoir que la réunion d'Itaba n'est pas seulement pour remettre de l'ordre dans le secteur minier, mais surtout pour montrer du doigt, dénoncer et blâmer certains hors la loi. Il a par la suite laissé entendre qu'une telle réunion est la dernière de ce genre et que quiconque ne se serait pas ajusté et quiconque ne se serait pas conformé à la loi en dehors 3 mois se verrait sérieusement réprimandé par la loi. Le président a lancé un appel vibrant au sens de patriotisme avant de conclure que la richesse du sous-sol burundais n'est pas l'apanage de quelques individus, mais plutôt un bien commun que les Burundais sont appelés à se partager équitablement. Jean-Claude Carégua, il est le porte-parole du président de la République du secteur minier au leadership. Les leaders de différents secteurs de la vie nationale devraient mettre en avant le bien et le développement de ceux qu'ils dirigent en mettant en place des lois et règlements favorisant leur épanouissement. C'est ce que dit le président Sylvestre Ntibantunganya lors d'une conférence et débat sur la situation de la pauvreté au Burundi organisée par Caritas Burundi. Il explique que pour lutter contre la pauvreté. Ces leaders doivent être les serviteurs de ceux qui leur sont confiés plutôt que d'être serviteurs d'eux-mêmes. Suivez président Sylvestre Nibanonganya au micro de Gertrude Maunayo. Il faut ici d'abord spécifier que quand on parle de leader, on ne se limite pas uniquement, comme certains sont en train de le faire, à ce qui nous représente dans les institutions de l'État. Un leadership se trouve dans tous les secteurs de la vie nationale, dans les confessions religieuses, dans les associations de la société civile, dans le monde des affaires, chez vous les journalistes. Nous avons été invités ici dans le cadre des missions de Caritas Burundi, qui est bien sûr une organisation dépendante de l'Église catholique du Burundi. Dans les enseignements que l'Église donne à travers, bien sûr, la Bible, il est bien définit ce que c'est un beau leader, ce qu'on appelle le beau berger. C'est celui qui est prêt à se sacrifier pour ses brebis. Mais pas seulement à se sacrifier, à bien guider les brebis, à bien les garder, à bien les rassurer ce qui est nécessaire pour leur vie quotidienne. C'est dire donc qu'un leader, c'est d'abord quelqu'un qui se sent comme un serviteur de ceux qui lui sont confiés. Et je pense qu'ici, en ce qui concerne le système de lutte contre la pauvreté, il est bon, il est nécessaire que le leader identifie correctement les causes de la pauvreté et essaye de leur proposer des solutions qui répondent correctement aux préoccupations des populations qui souffrent de cette pauvreté. Le Burundi est souvent classé parmi les pays les plus pauvres de la région, mais aussi du monde. Qu'est-ce qui manque effectivement pour que le Burundi puisse sortir de la pauvreté? Ce qui manque au Burundi, comme aux autres pays d'ailleurs, dans la même situation, c'est comment ils s'organisent pour la valorisation de ces richesses naturelles dont nous sommes pourvus. Il faut une valorisation qui puisse être pensée dans l'objectif de satisfaire justement aux besoins des Burundais. Voyons par exemple, depuis 1970, ce qu'on dit sur le nickel au Burundi. Maintenant, c'est plus de 40 ans. Qu'est-ce que nous entrevoyons? Pour que ce nickel, une fois exploité, il profite correctement au Burundi. C'est là où justement se trouve le rôle des leaders. Bien penser d'abord avant d'agir. Quand on parle de richesses naturelles, ces derniers jours, il y a la question des minéraux qui est souvent évoquée. Que faut-il faire pour que ces minéraux puissent aider la population burundaise à sortir de cette pauvreté? Un peu partout dans le monde où on a découvert des richesses naturelles, notamment dans nos pays en voie de développement, qu'on a exploité sans avoir pris des précautions, des fois ça s'est accompagné de problèmes très sérieux au niveau de la sécurité, au niveau de la cohésion entre les populations dans ces pays. Pour ce qui concerne le Burundi, ce qu'il faudrait, c'est uniquement faire de bonnes lois en ce qui concerne l'exploitation des ressources que nous avons. Des lois également qui soient respectées. C'était le président Sylvestre Nibanonganya au micro de Gertrude Maunayo. Du leadership à la page éducation, 6 élèves du lycée du Saint-Esprit font partie de 10 premiers au concours national des classes de 9e année édition 2018 qui ont été primés ce vendredi pour avoir réalisé une bonne note. Le ministre de l'Éducation, Janvier Dirahisha, a prodigué des conseils à ses lauréats de ne pas se laisser distraire et d'aller de l'avant dans leurs études du cycle post-fondamental pour redorer l'image du pays. Un ordinateur a été décerné à chacun de ses élèves par le ministre en charge de l'éducation. Les détails avec Variste Nzikobanyang. Le premier élève dans ce concours de 9e année édition 2018 au niveau national, il s'agit de la fille Niyongabo Gatekajiana du lycée du Saint-Esprit. Elle a eu 192,5 sur 200. Le ministre de l'Éducation félicite ses 10 élèves pour avoir réalisé une bonne note. Janvier Andirahisha leur prodigue cependant des conseils. En organisant cette petite cérémonie, nous avons voulu témoigner de notre soutien et vous encourager à aller toujours de l'avant. Pour cela, gardez toujours à l'esprit que vous devez consacrer le gros de votre temps aux études et aux activités susceptibles de contribuer à votre épanouissement moral et intellectuel, car votre avenir en dépend. WhatsApp, les séries télévisées, les boîtes de nuit, les mauvaises compagnies et toute autre conduite peu recommandable ne doivent pas vous distraire. Gardez bien à l'esprit les valeurs culturelles nationales, d'obéissance aux parents et aux institutions de retenue, de respect du bien d'autrui et des biens communs. Les enseignants, surtout les directeurs des écoles qui se sont classés premières, se disent satisfaits. Abbé Jean-Claude Hazalimana, préfet des études au lycée du Saint-Esprit, indique que cette première place va redorer l'image de cette école. Nous avons un sentiment de satisfaction. C'est difficile d'être 6 parmi les 10 et de provenir d'une même école. Et pour nous, donc, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes joyeux de les voir recevoir ces prix. Et nous remercions les parents, les professeurs qui soutiennent ces enfants quand ils se préparent aux examens. C'est aussi un bon exemple pour les autres. Parmi ces 10 élèves, 6 ressortent du lycée du Saint-Esprit, 2 sont du lycée SOS, 2 sont des écoles d'excellence d'Ongagara et de Makamba. À noter que le ministre de l'Éducation a décerné un ordinateur à chacun de ses élèves. Merci à Évariste Nzikobanyanga. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Burundi Business Incubator BBN en sigle et entre autres missions la formation des jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent élaborer des projets pérennes et prolifiques au Burundi. Cela a été dit par Nangibingura Bruce Vaillant, chargé de suivi et évaluation au sein de Burundi Business Incubator ce vendredi lors de la clôture de la foire organisée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Il ajoute que la majorité des participants à cette foire sont des jeunes entrepreneurs encadrés par la BBIN. Suivez Nangibingura Press Vaillant. Cette foire est organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que nous organisons depuis lundi. Et actuellement, nous organisons une exposition vente ici au Palais des Arts qui va se clôturer aujourd'hui par une finale. Une finale de la compétition Chica Award édition 2018. Il y a des projets qui sont innovateurs, qui sont en compétition. Il y en a 5 aujourd'hui qui vont compétir pour pouvoir se départager les 3 premières places. Et qui vont participer dans cette exposition, vous vous êtes basé sur quels critères? Toutes les personnes, tous les entrepreneurs qui participent dans cette exposition vente sont des entrepreneurs qui sont accompagnés, suivis par BBIN ou encadrés par BBIN, ou des entrepreneurs qui sont également soutenus par quelques partenaires du BBIN. Ces entrepreneurs, nous les aidons premièrement au niveau de comment ils peuvent trouver une bonne idée d'affaires. Nous les formons sur différentes thématiques pour pouvoir les montrer comment ils peuvent se préparer, comment ils peuvent avoir les techniques managériales ou les techniques de production pour leurs entreprises. Et après ces formations, ils aboutissent à un plan d'affaires. Et après leur plan d'affaires, nous les accompagnons sur l'accès au marché, sur l'accès au financement, jusqu'à ce que leurs entreprises puissent être des entreprises que nous jugeons pérennes, qui peuvent donner de l'emploi à d'autres jeunes ou à d'autres personnes. Vous écoutiez la voix de Nangibingura Bruce Vaillant. Il est le chargé de suivi et évaluation au sein de BBIN. Il était au micro de Vestine Woutoy. Page Média. Le Conseil national de la communication rejette l'idée de favoritisme dans les mesures que ce conseil prend à l'endroit de certains médias. Lors du travail de vulgarisation des lois régissant la presse, ce jeudi, le président du CNC a souligné qu'aucun médium n'est épargné lorsqu'il commet des dérapages. Nestor Wangmokunzi indique plutôt que des fois, les mesures prises contre l'un ou l'autre médium ne sont pas rendues publiques. Suivez-le. Il n'y a pas d'enfant non aimé du CNC. Nous sommes là au service de tous les médias. Nous aimerions que tous les médias soient traités de la même manière et c'est comme cela que nous le faisons et c'est comme cela que la loi nous le recommande. Il n'y a donc pas de deux poids deux mesures au niveau des organes de presse. Seulement, quand il arrive qu'on prenne des mesures contraignantes pour l'un ou l'autre organe de presse, il pense que c'est lui seul qui est sanctionné ou qui est interpellé. Non, ce n'est pas ça. On le fait pour tous les organes de presse, chaque fois que cela est de besoin. Il n'y a pas à privilégier l'un ou l'autre organe de presse parce que nous servons l'intérêt général et tout comme tous les organes de presse sont censés être au service de l'intérêt général. Dans pareilles circonstances, le CNC ne gagnerait pas à renchérir un organe de presse quelconque, mais nous travaillons de façon que tout le monde respecte la loi et quand cela s'impose, nous interpellons tout le monde quand ils sont en conflit avec la loi. Donc cette vision dualiste ne devrait pas avoir lieu. Je vous inviterai plutôt à resserrer nos coudes, à nous mettre ensemble pour asseoir une presse libre, respectable et responsable pour que nous puissions nous mettre tous au service de la nation, de notre nation, de nous-mêmes finalement. Nestor Wangmukunzi, il est le président du CNC. Pénurie d'eau dans la commune de Rugombo de la province de Cibitoki depuis une semaine. Les habitants craignent les maladies des mains sales puisque certains consomment l'eau des rivières. Ils demandent à la régie des eaux et à l'administration de collaborer pour trouver une solution à ce défi. Suivez ce micro-trottoir de la radio Isanganiro auprès de certains habitants de Rugombo. L'eau manque ici. Nous en trouvons sur la colline de Mushishi. C'est très loin. Là, on achète le bidon à 50 francs, mais arrivé ici, nous le vendons à 500 francs. C'est un problème sérieux. Partout dans les routes, tu croises les gens qui se basculent à la recherche de l'eau. Chez nous, à Murambi, c'est autre chose. Il n'y a même pas de robinet. Le robinet a fonctionné durant un mois seulement, puis il est tombé en panne. Les conséquences sont nombreuses. Nous tombons souvent malades à cause de l'eau des rivières que nous consommons. L'administration ainsi que la régie des eaux devraient collaborer pour trouver solution à ce problème. De Cibitoki à Ngozi, où 75 filles de cette province qui n'ont pas eu la chance de poursuivre l'enseignement post-fondamental sont en train de bénéficier d'une formation en couture et coiffure organisée par l'association dénommée Ichiro de Chamahoro. La responsable de cette association, émérancienne Ndouimana, appelle néanmoins d'autres organisations à venir en aide à ces jeunes, car son association est débordée par le plus grand nombre de demandeurs de ses services. Une idée soutenue par le conseiller socio-culturel de la province Ngozi. C'est par ici que nous bouclons la présentation de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa mise en onde. Et merci également à toute l'équipe de la rédaction. Richard Kougarougira à la présentation. Je vous souhaite de passer d'agréables moments là où vous êtes et gardez l'écoute. Le programme se poursuit à la radio Isanganiro.